Elle m'a donné son snap illico presto. Je l'ai ramené au drive, elle voulait le resto. Elle va pas me faire remarquer celle-là. Tu crois qu'on est tout doux mais on est des bestiaux. Et je me suis mal réveillé. Les Schmitt ils l'ont pété. Le bloc sous l'oreiller. Oh sur la nationale. Oh il a soleillé. Oh ça a dû lui faire mal. Oh il a pas embrayé. Oh ma la la la. Oh ma la la la. Je regarde Marseille de la calade avec un poteau en cavale. Okay. Génération m'a guidé. Oh c'est pas la faute à la cité. Ouais ma chérie on peut se quitter. Oh j'en ai plus rien à faire. Jamais j'aurais raison, je n'avais du rien à faire. Dans un hôtel à Paname, chaussettes au plafond. Je refais le monde avec ma pseudo de beauté d'ailleurs. Les gars, j'ai cité trouer le pire va à fond. Appelleur un Uber. Hey, je m'endors avec des mauvaises idées. Hey, sans même finir d'effriter. Pour eux, je resterai comme tu t'es excité. Ah, un putain de malhonnête. Oh, ma la la la. Oh, ma la la la. Je regarde Marseille de la calade avec un poteau en cavale. Hey. Génération m'a guidé. Oh, c'est pas la faute à la cité. Ouais, ma chérie, on peut se quitter. Oh, j'en ai plus rien à faire. Oh, malala. Oh, malala. Oh, malala. Oh, malala. Oh, malala. À quoi ça sert au fond de ces messies? À la fin, on pleure tout seul. Si à la fin on part tout seul, si à la fin on pleure tout seul, à quoi ça sert, poto? T'es plein de manières, t'es faux et t'es comme hiver. On était frères de galère. Et à quoi ça sert au fond de cette merde?